Toujours à l'occasion de la journée de la victoire dans la guerre de libération de la patrie, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes et des femmes 2017, le comité suisse-coréen et le cercle suisse d'études des études jutées ont publié une déclaration commune. Les formations y ont dit que, grâce à la direction éminente du général Kim Il-sung, commandant prestigieux à la volonté d'acier et stratège militaire sans pareil, les militaires et civils coréens ont battu les impérialistes américains dans la guerre de libération de la patrie et remporté la brillante victoire.